Nous sommes de retour à l'antenne de Prendre la Chine par son histoire et nous reprenons notre récit alors que nous parlions avant la pause des fonctions du Zhongliyamen, le bureau des affaires étrangères mis en place dans le cadre du mouvement des choses de l'Occident. Mis à part la dimension diplomatique du mouvement, le Zhongliyamen était aussi chargé de la mise en œuvre de projets de développement technologique. Ces développements étaient surtout axés sur l'idée de renforcer le pays, Fujian, et pour y parvenir, on voulait améliorer les capacités militaires de la Chine. Pour ce faire, les dirigeants voulaient doter la Chine d'une puissante force navale, mais aussi se procurer des fusils, des canons et des canonnières afin de posséder de l'équipement militaire à la fine pointe des dernières technologies. En 1862, Yong Wing fut envoyé aux États-Unis pour aller acheter l'équipement et la machinerie nécessaires afin de mettre sur pied un premier arsenal qui fut établi à Shanghai en 1865. Puis, un second arsenal fut établi dans la ville de Fuzhou en 1866. Li Hongchang fut l'un des personnages importants de l'établissement de ces projets, qui ressemblaient un peu à des joint ventures dans la forme et qui visaient la construction de docks, de quais, d'entrepôts, de paquebots et surtout d'une flotte militaire moderne. C'est en 1872 que fut créée la première compagnie navale chinoise, soit la China Merchant Steamship Navigation Company. On peut dire que la création de celle-ci marquait la fin de la domination étrangère qui était alors quasi monopolistique dans les eaux territoriales chinoises. Toujours sur le plan des technologies militaires, à partir de l'arsenal de Tianjin, on se lança au cours des années 1880 dans la production industrielle de fusils, de balles et de douilles pour des armes de pointe, dont les fusils Remington Crop, qu'on appelle aussi le fusil Remington Roller Block, ainsi que d'autres pièces d'artillerie d'époque, incluant les canons Howitzers. En fait, lorsqu'on parle de développement technologique dans le contexte du mouvement des choses de l'Occident, on doit parler d'un début de révolution industrielle qui secoue la Chine à la fin du 19e siècle. En plus du secteur militaire, on compte aussi de nombreux investissements dans le secteur des mines, de l'industrie textile, ainsi que le secteur des télécommunications, alors que les lignes de télégraphe commencent à recouvrir le pays et que le téléphone fait son apparition en 1882 dans la ville de Shanghai. Symbole par excellence des différentes révolutions industrielles des pays européens, le chemin de fer fait aussi son apparition en Chine en 1876 avec un premier tronçon de 14 km séparant les villes de Shanghai et de Wusong. Cela étant dit, malgré la nette impression qui se dégage de voir un développement industriel et un essor de la modernisation en Chine à la fin du 19e siècle, on remarque rapidement que la plupart des projets de développement stagnent. Mais en fait, si on regarde globalement le mouvement des choses de l'Occident, on est obligé de conclure que les résultats de celui-ci furent particulièrement limités. Et même, si on observe la situation dans une perspective comparative, par exemple, avec l'effort de modernisation similaire entrepris au Japon dans le cadre de la réforme de Meiji, on est obligé de conclure que le mouvement de modernisation, qu'on appelle aussi mouvement d'auto-renforcement, lancé en Chine à partir de 1860, s'avère être un échec monumental. Et sur ce plan, il y a plusieurs raisons qui expliquent l'échec de ce mouvement de modernisation de la Chine à la fin du 19e siècle. J'en mentionnerai cinq ici. D'abord, Comme première raison de cet échec, il faut mentionner le conservatisme des élites au pouvoir en Chine. Autant pour ce qui est du clan impérial manchou que pour ce qui est des lettrés chinois. Pour ce qui est des manchous, on peut dire d'emblée qu'ils ne voulaient pas vraiment changer et qu'ils étaient surtout préoccupés par leur désir de se maintenir au pouvoir. Rappelons à cet effet qu'il s'agit d'un pouvoir minoritaire qui, tout au long du 19e siècle, a été confronté à des crises domestiques et internationales qui remettaient en question leur légitimité à gouverner. D'ailleurs, comme nous l'avons mentionné au sujet de la création du Zhongliyamen, la mise en place des réformes était surtout pour les Manchous dans l'optique d'une gestion de crise diplomatique à court terme. En bref, la dynastie Qing ne croyait pas en l'importance de cette modernisation et ils en avaient une vision très superficielle. Un signe qui ne ment pas de ce refus de la modernité par l'élite du clan impérial manchou, on raconte que l'impératrice douairière Cixi aurait détourné les ressources qui auraient dû être consacrées au développement de la flotte navale en les consacrant plutôt à la reconstruction du palais impérial d'été qui venait tout juste d'être détruit dans le cadre de la Deuxième Guerre de l'Opium. Ce détournement, comme nous le verrons sous peu, s'avéra une décision financière et stratégique catastrophique pour la Chine. D'autre part, lorsque nous parlons du conservatisme des élites, il faut bien sûr parler aussi un peu des lettrés chinois qui se voulaient les défenseurs de la tradition confucéenne. Même si on retrouve plusieurs lettrés chinois qui militaient en faveur d'une plus grande ouverture sur le monde, à commencer par Wei Yuan, dès le sortir de la Première Guerre de l'Opium, nombreux sont encore les lettrés chinois qui, à cette époque, étaient tout simplement incapables de considérer le fait que les savoirs occidentaux puissent être quelque chose de plus important que les savoirs traditionnels chinois. Ensuite, une autre raison qui peut nous aider à comprendre l'échec de ce premier mouvement de modernisation de la Chine serait à trouver du côté des nombreuses résistances populaires rencontrées sur le terrain, pour ne pas dire les vagues de xénophobie qui ont frappé plusieurs villes chinoises dans la deuxième moitié du 19e siècle, face à la prolifération des étrangers en territoire chinois. On voit des mouvements xénophobes dans différentes villes comme Chongqing ou Tianjin, face à la prolifération des missionnaires, mais aussi des résistances populaires qui étaient liées aux croyances dans la géomancie du feng shui, notamment suite à la construction d'édifices comme les églises ou des réseaux de chemins de fer et de télégraphes qui, disait-on alors, ne respectaient pas l'harmonie entre l'homme et la nature. Comme autre raison qui peut apporter un éclairage important sur l'échec du mouvement de modernisation, on peut bien sûr mentionner aussi les orgueils culturels conflictuels entre les représentants des civilisations chinoises et occidentales. De manière générale, on se retrouve avec des représentants de différentes cultures qui, autant pour la Chine que pour l'Occident, sont pour la plupart convaincus de la supériorité de leurs propres pratiques culturelles et de leur civilisation, mais qui doivent parfois collaborer et coopérer dans la réalisation de certains projets de développement. En plus des projets de joint venture et des écoles de langue, on peut mentionner l'exemple de la flotte Leigh Osborne de 1862. Horatio Nelson Leigh était alors commissaire des douanes impériales en Chine et il avait été mandaté par le gouvernement de la dynastie Qing afin d'acheter des vaisseaux de guerre en Angleterre pour le bénéfice de la marine chinoise. Or, c'est l'amiral Sherard Osborne qui devait ramener les 10 vaisseaux depuis l'Angleterre jusque dans les mers de Chine. Et lorsqu'il arriva, dans le contexte de la lutte contre les Taiping qui s'intensifiait alors, les autorités chinoises exigèrent de Osborne qu'il suive tout de suite les directives du commandement militaire chinois, ce que Osborne refusa catégoriquement. Ainsi, la commande d'achat de bateaux fut annulée à cause de l'orgueil de l'un qui ne voulait pas laisser pleine autorité à celui qui savait comment naviguer, et de l'orgueil de l'autre qui refusait de se soumettre aux ordres donnés par celui qui achetait le bateau. C'est ainsi que l'achat n'eut jamais lieu. Il y a une autre raison de l'échec du mouvement de modernisation qui est en fait une conséquence directe de l'absence d'une autorité centrale forte qui aurait appuyé pleinement et à fond ce mouvement de réforme. Il s'agit de l'absence d'unité du mouvement et d'un fractionnement des efforts. Si on avait à le résumer brièvement, disons que les gouverneurs régionaux tentaient d'attirer les investissements étrangers dans leur propre province afin d'en retirer le plus de bénéfices sur le plan local. Finalement, il ne faudrait surtout pas oublier comme dernière raison de l'échec de la modernisation de la Chine les pressions liées à ce qu'on pourrait nommer le double visage des puissances impérialistes occidentales qui étaient au 19e siècle à la fois pourvoyeurs de connaissances et de ressources, mais aussi agresseurs et ennemis de la Chine. Mis à part les deux guerres de l'opium et les traités inégaux qui en ont résulté, les agressions de la Russie dans la région d'Ili, dans l'ouest de la Chine, entre 1871 et 1888, ainsi que les agressions de la France au Vietnam en 1884-85, ont fortement affaibli les capacités de résistance et de développement de la dynastie Qing. Une des meilleures manières de voir l'échec de cette modernisation de la Chine à la fin du 19e siècle, c'est lorsqu'on compare la situation de la Chine avec celle vécue par le Japon à la même époque. Visitée par les canonnières américaines à partir de 1853 et forcée à l'ouverture commerciale et à la signature de traités inégaux l'année suivante, le Japon s'est alors lancé à partir de la restauration impériale de Meiji en 1868 dans une entreprise de réforme, de modernisation et d'ouverture sur le monde qui a été couronnée de succès sur pratiquement toute la ligne. Et lorsqu'on regarde les facteurs qui ont aidé le Japon à réussir sa modernisation, on comprend un peu mieux ce qui manquait à la Chine de la fin du 19e siècle pour réussir la sienne. Nous commençons d'ailleurs ainsi le deuxième point de notre chapitre 11, intitulé « La guerre sino-japonaise, les 100 jours de Guangxu et la révolte des boxeurs ». En fait, il existe toute une série de facteurs qui nous aident à comprendre l'échec de la modernisation lancée en Chine dans le cadre du mouvement des choses de l'Occident. Et il y a trois événements particulièrement significatifs qui montrent très clairement la portée et la profondeur de cet échec. Ces trois événements sont justement la première guerre sino-japonaise de 1894-95, les 100 jours de Guangxu qui se déroulent en 1898 et finalement la révolte des boxeurs de 1900-1901. Commençons donc pour aujourd'hui avec la guerre sino-japonaise de 1894-95 qui est, pour plusieurs spécialistes, un des événements les plus importants du 19e siècle en Chine. Et même, selon la perspective de l'historien chinois Ge Chaoguang, il s'agirait du révélateur par excellence qui contribua à provoquer un changement radical dans les mentalités sur la question de la modernisation et de la nécessité du changement face à certaines traditions. On a beaucoup mis l'accent dans les pays occidentaux sur l'impact des guerres de l'opium pour tenter d'expliquer la volonté de modernisation de la Chine au 19e siècle, tout simplement parce que les Occidentaux étaient impliqués directement dans ces guerres. Mais l'impact de la guerre sino-japonaise serait encore plus important, et c'est ce que nous tenterons de voir ici brièvement. Disons tout d'abord que l'enjeu principal de cette guerre, c'est la Corée. Et à l'époque, la Corée était initialement un pays vassal de la dynastie Qing au 19e siècle, et la guerre en soi porte spécifiquement sur la question de cette relation de vassalité. Pour bien le comprendre, on doit retrouver l'origine des tensions au milieu des années 1870, alors que le Japon, dans le contexte de la modernisation qu'il a lancée depuis 1868 avec la réforme de Meiji, a décidé de s'impliquer davantage en Corée en imposant à celle-ci un traité inégal, le traité de Kanghwa de 1876. Ce traité forçait l'ouverture du pays et imposait à la Corée des conditions favorables aux intérêts économiques du Japon. À ce titre, le traité de Kanghwa était en tout point similaire à ceux que les Américains avaient imposés au Japon en 1854 et en 1858 pour forcer l'ouverture commerciale du pays grâce à la menace des canonnières. En l'espace de quelques années, le Japon est donc parvenu à moderniser son armée et ses infrastructures économiques de base. Il a tout de suite commencé à imiter le comportement prédateur des puissances impérialistes occidentales. Au début des années 1880, la tension augmente en Corée, alors que le Japon cherche à développer des liens favorables avec les élites locales afin d'instaurer dans la péninsule un gouvernement qui serait plus favorable aux intérêts du pays du soleil levant. Le Japon envoie donc en Corée des conseillers militaires et tente de remodeler l'armée coréenne selon le modèle japonais. Mais des factions pro-japonaises et pro-chinoises se forment et des tentatives de coup d'État des deux côtés mènent à une intervention militaire du Japon pour sécuriser ses actifs et de la Chine pour défendre son vassal, mais la guerre est évitée de justesse à ce moment-là, suite à la signature d'un compromis diplomatique entre Li Hongchang et Ito Hirobumi en 1885, postulant un retrait mutuel des troupes. Disons que ce n'était que partie remise pour l'affrontement, puisque en 1894, une révolte paysanne éclate en Corée, la rébellion de Tonggak. Inspirée d'un mouvement religieux, la révolte était causée par une pauvreté grandissante, liée autant à la corruption gouvernementale qu'à la présence accrue des étrangers dans le pays. Dans ce contexte, le gouvernement coréen demanda à la dynastie Qing d'envoyer des troupes pour l'aider à chasser les rebelles. Mais la réponse est plutôt venue du gouvernement japonais qui envoya 8000 soldats en juin 1894, réclamant auprès des autorités chinoises un statut égal face à la Corée. La dynastie Qing refusa nettement et c'est ainsi que la guerre éclata. Dès juillet 1894, le Japon prit d'assaut le palais royal et mit en place un gouvernement favorable au Japon, mettant un terme à la relation de vassalité qui liait la Corée à la dynastie Qing. La guerre sino-japonaise fut surtout une guerre navale et elle se solda rapidement par une victoire décisive du Japon, alors que la modernisation de la marine chinoise s'était avérée un échec monumental. Surtout en comparaison du succès de la modernisation de la marine japonaise dont il fallait maintenant prendre acte. À titre d'exemple anecdotique, la flotte Leigh-Osborne de 1862, que la Chine avait décidé de ne pas acheter pour une question d'orgueil mal placée, avait ensuite été vendue au Japon. Et cette flotte se démarqua de manière considérable lors de cette première guerre sino-japonaise. La guerre se solda par la ratification du traité de Shimonoseki en avril 1895, traité que les Chinois nomment le traité de Maguan, confirmant l'indépendance de la Corée face à la Chine, mettant fin de facto à la relation de vassalité qui liait les deux pays. Le traité imposa aussi une lourde indemnité financière que la Chine devait payer au Japon, en plus de concéder la péninsule du Liaodong dans le nord-est du pays et de confirmer l'occupation japonaise de Taïwan alors qu'ils y étaient établis depuis 1875. Par la suite, le Japon rétrocéda la péninsule du Liaodong à la Chine, faisant écho aux pressions exercées par les autres puissances impérialistes, à savoir la Russie, l'Allemagne et la France. Nous poursuivrons avec la suite de ce récit la semaine prochaine, alors que nous verrons les deux autres événements qui nous montrent clairement l'échec du mouvement de modernisation amorcé dans la Chine du 19e siècle. D'ici là, il est temps pour nous de clore l'émission et de revenir en musique, en mettant à l'avant-plan le thème que nous avons choisi pour la journée, à savoir le thème des possibilités. Nous avons parlé aujourd'hui du mouvement des choses de l'Occident, qu'on appelle aussi le mouvement de l'auto-renforcement. Or, comme nous le verrons au cours des prochaines semaines, même si nous parlons actuellement d'échec de l'effort de modernisation du pays au 19e siècle, c'est tout de même au cœur de ce mouvement que sont plantés les germes de ce qui deviendra bientôt la Révolution chinoise. La dernière pièce musicale de la journée nous parle justement de rébellion et de révolution, en présentant celle-ci comme un univers de possibilités innombrables à venir. Il s'agit d'une chanson du groupe SMZB que nous avons déjà entendue à plusieurs reprises sur nos ondes. Une chanson qui nous répète constamment en anglais que s'il y a bien mille et une raisons de se rebeller et de combattre, il doit bien y avoir 10 000 manières différentes de le faire. Voici donc le punk celtique du groupe SMZB à son meilleur, qui nous offre un pied de nez remarquable à tous les orthodoxes de la Révolution, à tous ceux qui croient que les rebelles doivent tous suivre le même chemin. Voici la chanson « 10,000 Ways to Rebel ». Mon nom est Carl Derry, je vous dis à la semaine prochaine. « 我们下次再见吧 ». Whoa, whoa, whoa.